Hey, hey, baby, je danse, oui, sans m'arrêter. Hey, hey, baby, je danse, et je t'ai oublié. Hey, hey, baby, je danse, sur notre amour. Hey, hey, baby, je danse, jusqu'au petit jour. Oh oui, regarde-moi triste et danser. Le Madison aussi et le Bossa Nova, le cha-cha. Tu es loin de mon esprit. J'ai grâce sur la piste, ce qui me rend triste, tout ce qui vient de toi. Et si je m'étourdis toutes les nuits, ce n'est pas à cause de toi. Hey, hey, baby, je danse et je ris à pleurer. Hey, hey, baby, je danse. Oh oui, je t'ai oublié. Oh oui, regarde-moi triste et danser. Le Madison aussi et le Bossa Nova, le cha-cha. Tu es loin de mon esprit. J'écrase sur la piste.